diriez-vous « Pourquoi l'achetez-vous »« Pourquoi achetez-vous cela ?» Comment dit-on « acheter » ?« Kaufen ».« Kaufen ». Et « vous achetez » ?« Sie kaufen ».« Sie kaufen », oui. Et « achetez-vous » ?« Kaufen Sie ». Bien. Et donc, « pourquoi achetez-vous cela ?» Ça sera Warum kaufen Sie es? Warum kaufen Sie es? Et maintenant, pourquoi n'achetez-vous pas cela? Warum kaufen Sie es nicht? Bien. Warum kaufen Sie es nicht? Et maintenant, comment diriez-vous pourquoi ne voulez-vous pas acheter cela? Warum wollen Sie es nicht kaufen? Bien. Warum wollen Sie es nicht kaufen? Et comment dira-t-on où achèterez-vous cela? Où allez-vous acheter cela? Wo werden Sie es kaufen? Bien. Wo werden Sie es kaufen? Et pourquoi n'achèterez-vous pas cela? Warum werden Sie es nicht kaufen? Bien. Warum werden Sie es nicht kaufen? Pourquoi n'achèterez-vous pas cela?